Olá para você que está me escutando agora. Aqui quem fala é o Sabiá Linguarudo e eu vou estar com você para acompanhar a compreensão do texto Ottawa, la capitale du Canada. A primeira expressão que eu gostaria de trabalhar é o adjetivo agréable, que pode receber a regência utilizando a preposição à. Agréable à faire quelque chose. No exemplo do texto, a gente tem une ville agréable à vivre. Uma cidade agradável de se viver. Une ville agréable à vivre. Une ville agréable à vivre. Outros exemplos poderiam ser une entreprise agréable à travailler. Une entreprise agréable à travailler. Un pays agréable à élever des familles. Un pays agréable à élever des familles. Um país agradável de se construir família, de se fazer família. Mais à frente, a gente tem a expressão près de, que significa quase ou aproximadamente, mas um pouco menos. Então, perto de, cerca de. Né? Près d'un million de personnes vivent à Ottawa. Près d'un million, né? Quase um milhão, aproximadamente um milhão de pessoas vivem em Ottawa. Près d'un million de personnes vivent à Ottawa. Près de 30 millions de personnes vivent au Canada. Né? Aproximadamente 30 milhões de pessoas vivem no Canadá. Então, il y a près de 880 parcs dans la région d'Ottawa. Il y a près de 880 parcs dans la région d'Ottawa. Près de. Mais à frente, a gente tem o uso do pronome Y. Em francês, o pronome Y. O pronome Y é um pronome que a gente não consegue traduzir para o português, mas a ideia dele é que ele substitui todo o complemento introduzido pela preposição a. Todo o complemento que foi introduzido pela preposição a numa fala anterior e que ficou entendido pelo contexto pode ser reelaborado ou referenciado através do pronome y, pronome y. No texto, a gente tem dois exemplos dele. O primeiro é: notre ville possède deux langues officielles, bien qu'un grand nombre d'autres langues y soient parlées. Né? O que quer dizer isso? Quer dizer que un grand nombre d'autres langues sont parlées à notre ville. Un grand nombre d'autres langues sont parlées à notre ville. Un grand nombre d'autres langues y sont parlées. No segundo exemplo, a gente tem comme le gouvernement est situé à Ottawa, le secteur public y a une forte présence. Comme le gouvernement est situé à Ottawa, le secteur public y a une forte présence. O que quer dizer isso? Le secteur public a une forte présence à Ottawa. Le secteur public a une forte présence à Ottawa. Le secteur public y a une forte présence. Então, o pronome Y substitui o complemento que começa com a preposição A, que já foi dito anteriormente ou subentendido pelo contexto.